Audiomatic. La transmission 220 d'Audiomatic était introduite par le projet Chancha Via Circuito et sa pièce Barou. Celle-ci est tirée de son plus récent album Bienaventuranza, paru en juin 2018. Les sonoristes qui vous accueillent pour cette première transmission d'Audiomatic pour l'année 2019. Nous sommes fiers de pouvoir perpétuer l'héritage que nous ont légué les électronistes en élargissant le spectre d'Audiomatic à tout ce qui est sonore. Malgré l'éclectisme présagé des contenus, sachez que la musique électronique continuera bien sûr d'être un élément important des transmissions d'Audiomatic. N'ayez crainte. Au fond, une rêve. Nous entendions à Audiomatic le groupe Black Mouth, formé des deux membres de Trust OB, soit John Burgin et Brett Smith, ainsi que de Jarbo, membre fondatrice du groupe Swans. Ensemble, ils nous offraient la pièce Seduce and Destroy de leur seul album, qui est homonyme, paru en 2000. Précédemment à Black Mouth, nous avions droit à Christine and the Queens, bien sûr menée par l'artiste française Héloïse Letissier. De son plus récent album Chris, nous vous avons présenté la chanson Machin Chose. Et pour débuter, nous, il s'agissait de Yamo, qui est le projet de Wolfgang Fleur, qui était le percussionniste du groupe allemand Kraftwerk. Pour son projet Yamo, il s'est adjoint les services des deux membres de Mars on Mars. Donc, de Yamo, nous avons pu entendre la pièce Mosquito Hunting Feels Better, tirée de leur album Time Pie. La formation allemande Einstürzen den Neubauten entame cette prochaine séquence musicale à Audiomatique. Nagorno-Karabach.

Le projet Hidden Orchestra concluait cette séquence de deux pièces avec sa musique composée uniquement avec des instruments acoustiques, à quoi s'ajoute également du field recordings, le tout dans une perspective qui rappelle des rythmes et ambiances électroniques. Hidden Orchestra est l'œuvre du compositeur et multi-instrumentaliste Joe Aikison, et c'est de son album Down Chorus qu'était tirée la pièce que nous avons entendue, soit Alit. Avant Hidden Orchestra, on écoutait la formation allemande Einstürzende Neubauten et la pièce Nagorny Kabarach, tirée de l'album Alles wieder offen, paru en 2007. Rappelons au passage que Einstürzende Neubauten est un groupe de musique expérimentale qui s'est formé en 1980. Pour enchaîner à Audiomatique, les sonoristes vous présentent à l'instant Florence and the Machine. Thank you.

Ce segment musical se terminait à Audiomatique avec l'artiste suédois J.J. Johansson et la chanson Suffering, extraite de son troisième album intitulé Poison. Tout juste avant, nous vous avons fait jouer le compositeur autrichien Wolfgang Amadeus Mozart avec un extrait de son célèbre Requiem, soit séquence Rex Tremendi Majestatis. Cette version a été interprétée par le chœur et l'orchestre de l'Opéra de Vienne sous la direction du regretté Pierre Colombo. Et en amorce de séquence, Florence and the Machine et sa composition Blinding de son premier album Lungs. Nous terminerons cette transmission avec une longue pièce assez planante du jazzman Sun Ra. Il s'agit de la composition There Are Other Worlds They Have Not Told You Of, tiré de l'album Linquidity, paru en 1978. Nous espérons que vous avez su apprécier cette transmission 220 d'Audiomatique qui était en fait la première animée par les sonoristes. Nous sommes déjà impatients de vous retrouver en direct mercredi prochain dès 17h pour la transmission, vous l'aurez deviné, 221. Comme c'est devenu une coutume à Audiomatique, vous pourrez entendre ou réentendre toutes les anciennes transmissions sur nos différentes plateformes, entre autres facebook.com/audiomatique-cfou et également mixcloud.com/audiomatique. Voici donc, pour terminer, Sun Ra et la pièce « There are other worlds they have not told you of ». C'était Audiomatique avec les sonoristes. Thank you. Thank you.